Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Shitan peshan de dam, atu peshan mda awana la chen. Shitan peshan de dam, atu peshan mda awana la chen. Montrez-moi où est l'enveloppe. Peshan mda zarfaka la chea. Peshan mda zarfaka la chea. Montrez-moi où est la clé. Peshan mda kli la kala chea. Peshan mda kli la kala chea. Montrez-moi où est le rasoir. Peshan mda trashaka la chea. Peshan mda trashaka la chea. Montrez-moi où est le verre. Peshan mda pardakhaka la chea. Peshan mda pardakhaka la chea. Montrez-moi où est le crayon. Peshan mda qaramaka la chea. Peshan mda qaramaka la chea. Montrez-moi où est le téléphone. Peshan mda telefonaka la chea. Peshan mda telefonaka la chea. Montrez-moi où est la montre. Peshan mda sa'ataka la chea. Peshan mda sa'ataka la chea. Montrez-moi où sont les ciseaux. Peshan mda maqastakan la chena. Peshan mda maqastakan la chena. Montrez-moi où est le peigne. Peshan mda sheka la chea. Peshan mda sheka la chea. Montrez-moi où sont les lunettes. Peshan mda aynaka kan la chena. Peshan mda aynaka kan la chena.